de serment. Mais tu sais bien que j'ai grandi, ce ne sont plus des jeux d'enfants. Aujourd'hui, je sais, j'ai compris. Je peux donner un sens à tous ces mots que tu m'as appris. Le mépris, la fierté, l'amour, à toutes ces choses qui pourraient bien me faire mal un jour, mais tour à tour, chacun son tour sur mes pas. Le seul qui me retient de loin, c'est l'amour de mon papa. Tu seras toujours là pour moi, même quand mes yeux se fermeront et que mon corps sera froid. Quelques caresses de tes mains, tu m'as donné ton sourire et cette fâcheuse tendance à avoir toujours quelque chose à dire. Mais c'est si bien comme ça. J'aime t'avoir pour exemple et je ne m'en lasserai pas, maman. Je t'aime si fort et pourtant on a toutes les deux manqué de courage et de temps. J'espère ne pas m'être trompée, être restée fidèle à ce que tu as imaginé. Pour moi, tu m'as toujours protégée de l'hiver comme du froid. Je n'ai jamais eu faim. Tu m'as donné un toit. Et même si je suis triste, même si mes larmes glissent, je n'aurai qu'à penser à toi. Je donnerai tout mon amour à toi, mon enfant, fruit de l'amour, ma chair et mon sang, jour après jour. Te découvrir, te faire sourire, partager ton avenir, pour le meilleur et pour le pire. Je serai toujours là comme mes parents l'étaient pour moi. Tu comprendras aussi pourquoi on a souvent peur pour toi. À mes parents, que je peux enfin remercier aujourd'hui. Car j'ai enfin compris qu'avec du mal, ils m'ont tout de même appris les plus belles choses de la vie.